Bonjour, je suis Lucie Inland. Le samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019 se tenait aux Ateliers du Vent, à Rennes, le festival de littérature féministe Dangereuse Lectrice. Pour cette première édition, la figure de la sorcière fut convoquée. Après le festival, début novembre, je me suis entretenue avec Fanny Bunion. Nous sommes revenus sur sa conférence donnée en septembre et ses travaux sur les figures des femmes criminalisées. Bonne écoute. Bonjour Fanny Bunion, vous me recevez de bureau au calme après le festival Dangereuse Lectrice pour parler de la conférence que vous avez donnée ainsi que de vos travaux en général sur la question des femmes criminalisées. On en reparlera un petit peu plus tard en détail. Est-ce que vous pouvez commencer par une petite présentation, votre parcours et vos travaux et recherches actuelles? Je suis maîtresse de conférences en histoire contemporaine et en études sur le genre à l'université Rennes 2. J'ai dans un premier temps travaillé sur la violence politique des femmes, sur des femmes confrontées à la justice pour avoir commis et être impliquées dans des organisations armées dans les années 68, en France et en Allemagne de l'Ouest. Et puis j'ai poursuivi ma réflexion autour de cet engagement illégal des femmes, cette forme de politisation aux marges de la légalité des femmes, avec des travaux sur les femmes élues sans en avoir le droit, c'est-à-dire les femmes qui ont tenté et parfois ont réussi à se faire élire par les hommes en France aux élections avant 1944, date à laquelle les femmes sont devenues des citoyennes au même titre que les hommes. Moi, je vous avais vu pour la conférence Présumée coupable. C'était en mars, c'est mal écrit. 2018. Oui, 10 mars 2018. Comment vous êtes venue à travailler sur cette conférence des femmes et des balais, les sorcières dans l'histoire, des procès aux symboles féministes pour la conférence Dangereuse Lectrice? Est-ce que ça découle de votre travail sur l'exposition Présumée coupable? C'est un axe de recherche que vous avez lancé? Enfin, comment ça s'est passé, l'invitation par le festival? Alors, la conférence que j'ai donnée dans le cadre du festival Dangereuse Lectrice, elle fait suite à une invitation, à une proposition donc de la part de l'association de dessiner un panorama historique autour de la figure de la sorcière à travers l'histoire, donc en s'inscrivant plutôt dans l'histoire culturelle et l'histoire des représentations. C'est une question que j'avais abordée dans le cadre d'une exposition donc qui s'est tenue aux Archives nationales en 2016-2017 qui s'appelait Présumée coupable, présumée EES au féminin, sur la question des femmes en justice et qui était construite autour de 4 archétypes chronologiques dans lesquels les femmes sont surreprésentées dans la criminalité qu'on retrouve dans les archives judiciaires. Et la première de ces figures, qui est une figure un peu matricielle qui nourrit les autres, c'est la figure de la sorcière. On avait aussi la figure de l'empoisonneuse, de l'infanticide, de la pétroleuse et de la traîtresse à la nation à travers les femmes tondues et collaboratrices à la libération. La figure de la sorcière, elle joue un rôle un peu matriciel parce qu'elle résonne et elle répond à ces autres figures féminines de la criminalité, de la déviance, qui mettent en scène à la fois une transgression des normes pénales, réelles ou supposées, mais en tout cas qui s'inscrit dans ce cadre-là, et puis aussi une forme de transgression des normes de genre, parce que ce sont des femmes dont les actes dont elles sont accusées, contreviennent aux modèles et aux normes féminins qui sont diffusées à travers les siècles. Donc il y avait vraiment cette dimension d'une figure matricielle qui nourrit les autres formes de représentation de la déviance, et puis aussi parce que c'est une figure qui, depuis la deuxième moitié du XXe siècle en gros, a été réinvesti, revisité par la culture populaire, par les mouvements féministes aussi, et donc jouit aujourd'hui d'une notoriété en tout cas assez remarquable. Donc l'idée c'était de retracer un fil à travers les siècles, de la fin du Moyen-Âge au début du XXIe siècle. Quelle a été la trajectoire de cette figure de la sorcière? Comment est-ce qu'elle a circulé? Figure positive, figure négative, figure d'identification, figure repoussoir, etc. Quand même une continuité dans vos travaux en général sur les femmes criminalisées, cette figure-là. Il y a la question de la différence genrée que vous avez beaucoup abordée pendant la conférence, donc la surreprésentation des femmes dans les procès en sorcellerie et les questions particulières qu'on posait, toujours ce rapport au corps, à la sexualité, qu'on retrouve aussi chez les pétroleuses ou même les terroristes qui sont pour le coup la plupart des criminels avérés, jugés, mais c'est pas la question. Et en fait, il y a toujours ce motif qui se répète, qu'au-delà d'être une personne criminelle, le fait d'être une femme criminelle, c'est toujours pire parce que ça implique qu'on sorte chez soi pour faire des trucs dans le dos de la société des hommes, ou même rester chez soi, faire toujours dans le dos des hommes et faillir à son rôle de femme au foyer, voire de mère. Vous disiez les sorcières qui empoisonnaient les enfants, un peu aussi l'autre figure de l'infanticide que vous releviez aussi, qui est un peu le, et qui est toujours le, un truc extrêmement tabou quand il y a des procès pour infanticide, genre les bébés congelés ou l'affaire Cotrez. Bah, moi, j'ai pris comme point de départ un prétexte qui est celui du succès de librairie de l'ouvrage de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, où elle s'intéresse à des figures féminines en marge du marché matrimonial, en marge du marché familial et de la reproduction, des figures d'autonomie aussi, de femmes vieillissantes, de femmes sans enfants. J'ai pris ça comme point de départ pour revenir sur l'histoire. Parce que cette question de la sorcellerie dans l'histoire, j'insiste et je m'appuie sur des travaux d'autres historiens, je pense en particulier à ceux de Martino Storero, qui démontrent que les procès en sorcellerie, qui voient le jour à partir de la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne en Europe, ont concerné des femmes et des hommes. Mais que, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien, la proportion de femmes mises en cause est devenue supérieure à la proportion d'hommes mis en cause, avec des variations selon les territoires, parce qu'il y a de véritables variations selon les territoires. Il y a des territoires dans lesquels les hommes sont davantage mis en cause que les femmes, mais en tout cas, dans la période fin 16e, début 17e siècle, ce qu'on a appelé la grande chasse aux sorcières, où on appelle l'Europe des bûchers, donc entre les années 1580 et 1640, fait référence au fait qu'on brûle les sorcières, parfois vives, parfois non, eh bien, c'est une période dans laquelle donc, on va avoir jusqu'à 7 personnes mises en cause sur 10 qui sont des femmes. Donc on a une proportion de femmes qui va devenir plus importante, alors que jusqu'à la fin du 15e siècle, il y avait autant d'hommes que de femmes qui étaient poursuivis, autant de sorciers que de sorcières. L'hypothèse de Martine Ostorero, c'est que la sorcellerie eh bien, a été investie comme un véritable bouc émissaire de la chrétienté, et que comme le préconisent les manuels d'inquisition qui visent la sorcellerie, les manuels de démonologie, comme on les appelle à l'époque, à la fin du XVe siècle, le premier plus important est publié en 1486, Le Marteau des Sorcières, 30 000 exemplaires, publié à Strasbourg, eh bien, on met en cause les femmes comme étant intrinsèquement, naturellement prédisposées à être du côté du vice, à être du côté de la déviance, et donc, il y a un regard de la part des juges, qui sont tous des hommes, par ailleurs, qui se concentrent du côté des femmes et de leur culpabilité présumée, d'où le titre présumé coupable, alors avec toute une série de fantasmes divers et variés sur le fait de voler dans les airs, sur le fait de danser à l'envers, de marcher à l'envers, de parler à l'envers, de copuler avec le diable, etc. J'insiste aussi sur un point, et ça c'est beaucoup de travaux d'historiens qui le mettent en exergue, c'est que ces poursuites qui visent des hommes et puis ensuite massivement des femmes font suite généralement à des dénonciations, et ces dénonciations sont souvent opérées par des femmes elles-mêmes. C'est pas une simple guerre des sexes, une simple vengeance des hommes sur les femmes. C'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est sur un phénomène de masse. On a des chiffres qui varient hein, selon les sources, mais on considère qu'il y a eu 110 000 procès en Europe, que ces 110 000 procès ont conduit à entre 60 et 70 000 exécutions. On n'est pas sur un phénomène anecdotique. Bah oui, surtout que la population à l'époque était beaucoup moins élevée que celle de maintenant. On est sur l'Europe occidentale, sur majoritairement sur les zones de frontières, sur l'axe rhénan, sur la zone alpine, qui sont les zones qui concentrent le plus d'affaires, mais il y en a aussi à d'autres endroits, et où on a des femmes qui sont jugées à travers toute une procédure qui est codifiée justement dans ces manuels de démonologie. Il y a toute une série d'étapes, c'est très très codifié, et on leur pose des questions sur leur rapport aux hommes, sur leur sexualité, et les questions qu'on pose spécifiquement aux femmes et qu'on ne pose pas aux hommes, c'est sur le fait d'avoir des rapports charnels avec le démon. Mais oui, ça, vous en aviez parlé pendant ma conférence, ça m'avait surpris parce qu'il y avait déjà un fort interdit autour de l'homosexualité masculine en particulier, alors que la mention de sodomie quand même dans l'Ancien Testament comme étant un péché. Et du coup, moi je pense aussi qu'on posait ce genre de questions aux hommes relatives à ça, parce que je pense que c'est la peur d'engendrer des enfants démoniaques, alors qu'une copulation entre hommes est inféconde, par définition. Donc c'est moins gênant pour la société. Bah, en tout cas, le risque n'est pas le même, et puis il y a effectivement toute une série d'imaginaires sociaux autour de la déviance, du mensonge, du manque d'honnêteté des femmes, d'une suspicion de trahison, de désobéissance. Alors on a toute une série de figures dans la Bible, mais aussi dans la mythologie, la boîte de Pandore par exemple, enfin, de ces femmes qui désobéissent, qui sont habitées d'une manière ou d'une autre par le mal, M-A-L là pour le coup, et donc ce sont des imaginaires qui sont pensés au masculin, qui sont conçus par des hommes qui pensent une menace à l'égard du monde social qui serait davantage l'œuvre des femmes, que les femmes seraient davantage dangereuses, pourraient en tout cas constituer un risque plus grand. Alors on le retrouve même, je lis ici un extrait du Marteau des sorcières, les auteurs écrivent en 1486, Fémina vient de fée et de minus, car toujours la femme a à égard de moins de foi, donc l'idée d'une moindre honnêteté du côté des femmes, pour satisfaire leurs passions, les femmes folâtres avec les démons, donc l'idée d'une appétence sexuelle et de sens de contrôle du côté des femmes, qui se joue autour de la sexualité. Béni soit le Très-Haut qui jusqu'à présent préserve le sexe mâle d'un pareil fléau. Donc on a cette idée de hiérarchie et des femmes du côté de la trahison, du complot, de la malhonnêteté et de la volonté de nuisance. Et cette figure de la sorcière, donc qui va être jugée donc très massivement en Europe pour ce qu'on appelle à l'époque des crimes de maléfice, ce crime de maléfice qui répond, donc je le disais, à toute une série de codifications dans les procédures d'interrogation, où on va chercher justement cette copulation avec le diable, on va en chercher même la trace physique de ce qu'on va appeler la marque du diable, punctum diabolicum. On cherche une trace de l'alliance avec le diable sur le corps des femmes qu'on va dénuder, du coup, pour l'occasion, parfois raser. Si le sang coule, si la femme tressaille, hurle de douleur, ce n'est pas le diable. Mais si il y a une zone insensible, une zone qui ne fait pas couler du sang, c'est potentiellement la marque, justement, de cette trace du démon qui s'est donc, à la faveur d'un accouplement, immiscé et a pris possession de ces femmes possédées par le diable. Donc l'idée que le diable marque le corps de celles et ceux qu'elle a enrôlés dans sa milice, pour reprendre une formule du XVIIe siècle. Donc on retrouve dans les archives quantité d'interrogatoires qui font état de cette recherche de la marque du diable, de la recherche d'un accouplement avec le démon, et où on a des archives dans lesquelles certaines femmes déclarent, ou en tout cas on leur fait dire, parce que nombre de ces interrogatoires se déroulent sous le régime de la torture, ce qu'on appelle la question à l'époque, où les femmes, en tout cas les greffiers, notent que les femmes déclarent avoir eu un rapport charnel avec le diable. On a des commentaires sur la taille du sexe, la forme du sexe, il est pointu par exemple, souvent, c'est un homme petit, trapu, voûté, la température du sperme, mais oui, il est froid, la question du plaisir sexuel aussi, de dire que non, elle n'a pas eu de plaisir, hein, parce que ça serait doublement coupable si en plus elle avait eu du plaisir sexuel en ayant une relation avec le diable. Donc on a toutes ces questions-là qui reviennent sans arrêt. Cette question de la mise en cause de la sexualité, elle vaut pour les sorcières, mais elle vaut pour les autres figures féminines déviantes à travers les siècles jusqu'à encore aujourd'hui, où la question de la moralité, de la sexualité des femmes est systématiquement convoquée, avec l'idée qu'il y a, en plus de la déviance potentielle pénale, de la criminalité réelle ou supposée, une transgression morale et un dévoiement moral qui serait au moins égal, sinon même plus grave, et qui permettrait d'expliquer justement la déviance pénale classique. Donc on a, quand il est question des femmes en justice, ça vaut pour les sorcières, ça vaut pour les empoisonneuses, ça vaut pour les infanticides, pour les pétroleuses ou pour les femmes tondues à la libération, cette idée d'une moralité suspecte, d'une sexualité déviante qui échappe au pouvoir des hommes ou qui échappe au pouvoir de la morale et des normes morales telles qu'elles sont codifiées et qui n'ont pas énormément évolué entre le 15e siècle et aujourd'hui. Elles ont bougé, bien évidemment, mais elles ne se sont pas fondamentalement retournées, et cette question de la mise en accusation de la moralité des femmes, elle est toujours d'actualité. Et ces sorcières, ces figures de sorcières qui peuvent être aussi réinvesties aujourd'hui, elles mettent le doigt aussi là-dessus, quand elles sont par exemple investies par des mouvements féministes, ou quand elles sont présentes dans la culture populaire à travers l'heroic fantasy, par exemple, sur un mode là, au contraire, de l'érotisation, et non pas de l'autonomie des femmes, mais de l'érotisation absolue des femmes, et de jouer des femmes fatales dans les deux sens du terme, fatales au sens de séductrices, tentatrices, et fatales aussi au sens de dangereuses, potentiellement criminelles, qui peuvent empoisonner, etc. Donc en tout cas, ces figures de femmes fatales, elles n'ont pas d'équivalent masculin. Pas jamais d'hommes fatales, malheureusement. Non. Enfin, en tout cas, malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce sont des figures qui n'existent qu'au féminin. On a des archétypes comme James Bond, mais James Bond, ça joue encore sur d'autres codes, et James Bond n'existe pas sans femme fatale autour de lui, en plus. Donc, effectivement, James Bond est un séducteur. Donc il a besoin de femmes, parce qu'un séducteur n'existe dans un monde hétérosexuel qu'avec des femmes. Dans le cas des femmes tondues à la libération, il faut bien voir que la tonte n'est pas une décision de justice. Une partie des femmes qui ont fait l'objet de ces dégradations, de ces humiliations publiques, qui se font publiquement, je reprends la formule d'Alain Brossat qui dit que c'est un carnaval moche puisqu'on exhibe ces femmes sur le mode de la honte et on s'en moque et on les humilie. Certaines d'entre elles ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour collaboration, mais d'autres absolument pas. Donc je peux pas superposer la collaboration réelle avec une forme d'intelligence avec l'ennemi et la tonte de ces femmes. Il y a eu effectivement beaucoup de dénonciations, parfois de règlements de compte aussi, à travers parfois une collaboration, une adhésion idéologique, mais elles sont très rares, là, les femmes dans les organisations de collaboration. Elles existent, mais elles sont beaucoup moins présentes que les hommes. Et puis, ce qui leur est surtout reproché, ce n'est pas d'avoir adhéré idéologiquement à un régime, d'avoir dénoncé des résistants, d'avoir contribué matériellement à la collaboration avec le régime nazi, c'est d'avoir eu, réellement ou de manière supposée, des relations sexuelles avec des soldats allemands. Et c'est là que s'exprime l'idée de souillure, un peu comme les sorcières avec le démon, hein, d'un corps qui ne leur appartient pas, plutôt d'une forme de ce que d'autres historiennes comme Françoise Thébault ou Christine Barre ont appelé la nationalisation du corps des femmes, pour parler de la question du XXe siècle, et bien où le corps et le sexe des femmes ne leur appartient pas, en particulier en période de guerre, en période trouble, et que cet accaparement de la sexualité, et bien il ne vaut que pour les femmes. La sexualité des hommes ne fait pas l'objet d'une dérive. Alors, il y a effectivement la question des enfants de l'ennemi potentiel qui rentre en jeu, mais pas seulement. Il y a l'idée que la trahison des femmes, elle ne se ferait pas tant par leur adhésion politique, idéologique, que par le fait d'offrir et de partager son corps avec un homme qui est identifié au camp de l'ennemi. Le nazi, c'est en quelque sorte le diable pour les sorcières du Moyen-Âge. Alors, toutes choses égales par ailleurs, hein, bien évidemment, mais en tout cas dans la perception de la question de la sexualité du côté des femmes, le fait qu'il y ait cette intrusion, on le retrouve aussi pour les procès du millier de femmes qui ont été jugées au sortir de la Commune de Paris. Aucune n'a été condamnée pour le crime de pétrole, c'est-à-dire pour avoir pratiqué des incendies volontaires au moment de la Commune de Paris en 1871. Mais par contre, on leur pose systématiquement des questions sur leur rapport avec les hommes, sur ce qu'elles font lorsqu'elles passent la nuit sur des barricades, sur leur sexualité, sur leur moralité, leur rapport éventuellement à la boisson. Ce sont des questions qu'on ne pose pas aux hommes. Il y a donc cette idée d'une déviance, d'une sexualité incontrôlable et incontrôlée du côté de ces femmes déviantes qu'on retrouve encore aujourd'hui. Quand on pose des questions de sexualité dans les archives, quand on pose des questions qui ont relatif du coup à une forme de moralité et de normes morales, eh bien c'est archi majoritairement à l'égard des femmes que ces questions sont formulées. Pensez à ce que vous disiez sur les dénonciations à l'époque des procès en sorcellerie qui étaient beaucoup du fait de femmes qui dénoncer d'autres femmes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir avec le contrôle social? Est-ce que, par exemple, a été théorisé par Andrea Dworkin sur les femmes de droite qui préfèrent balancer d'autres femmes pour le maintien de l'ordre d'une société patriarcale par peur d'être emmerdées elles-mêmes? Alors, c'est un petit peu difficile de faire des parallèles comme ça à travers les siècles et à travers les contextes. À la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, il faut bien avoir en tête que la sorcellerie, tout le monde y croit ou presque. C'est pas une option, enfin c'est quelque chose qui est dans les mœurs, qui va progressivement s'estomper jusqu'à être tourné en ridicule à la fin du XVIIe siècle et notamment ensuite par les philosophes des Lumières qui voient dans cette croyance à la sorcellerie une forme de superstition et qui s'en moque. L'idée de dénoncer, c'est parce qu'on cherche une explication. On cherche une explication à une calamité, à des empoisonnements, à l'empoisonnement des enfants qui meurent, du bétail malade, des mauvaises cultures. Ça peut être effectivement du règlement de compte aussi, d'une suspicion jetée d'une forme d'opprobre, mais il y a aussi l'idée d'essayer de trouver une explication à quelque chose qui apparaît comme inexplicable, et la sorcellerie apparaît comme un moyen d'expliquer justement cet inexplicable, donc sur une logique un petit peu de bouc émissaire, pour reprendre la formule de Martine Ostorero. Alors ce crime de sorcellerie, il disparaît du code du droit français en 1682, et c'est intéressant parce qu'il est remplacé par le crime d'empoisonnement. On change du coup d'appellation et on ne fait plus référence à l'idée d'un lien avec le démon, avec des forces du mal, avec, parce que la fête qu'on reproche notamment aux sorciers et aux sorcières, c'est la fête du sabbat, qui est une messe à l'envers, qui du coup s'inscrit à rebours, en opposition et en défiance à l'égard de la chrétienté. Et donc cette idée d'une messe à l'envers, bien, elle va disparaître avec la décriminalisation du maléfice. On garde l'idée d'un empoisonnement, mais cette fois-ci sans une codification juridique aussi rigoureuse, sans l'héritage de l'Inquisition qui était celui des des procès en sorcellerie. Et cette idée de la dénonciation, eh bien, on va la retrouver ensuite dans les affaires d'empoisonnement, dans les affaires d'infanticide. Alors après, à savoir, qu'est-ce qui se joue lorsque des femmes dénoncent d'autres femmes ? Moi, je pense que la sororité n'existe pas en soi. C'est beaucoup plus compliqué que ça et que les femmes n'ont pas nécessairement des intérêts communs. Elles ont parfois même des intérêts éminemment contradictoires. On pense aux rapports sociaux de classe, on pense aux rapports sociaux de race, etc. Donc il n'y a pas de nous communs vécu de manière universelle par toutes les femmes à travers l'histoire, très clairement. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une surreprésentation des célibataires et des veuves dans les affaires de sorcellerie. Donc de femmes qui se situent un petit peu en dehors du marché matrimonial, de la famille. Il y a cette dimension-là qui doit être présente. Mais souvent, on est sur des femmes qui se situent dans des formes de marginalité diverses et variées. Mais on a aussi des couples et des familles qui vont être mis en cause pour des affaires de sorcellerie. Donc on ne peut pas uniformiser le propos. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a surreprésentation de femmes de tous âges. On a dans les affaires de sorcellerie des petites filles de 10 ans, comme des femmes de 75 ans. Enfin voilà, donc on est sur un panorama beaucoup plus large d'ailleurs que du côté des hommes. En tout cas, la décriminalisation de la sorcellerie en 1682, qui devient donc le crime d'empoisonnement, fait que la sorcière disparaît des archives judiciaires et elle va réapparaître non pas dans les archives judiciaires mais sous la plume d'historiens. Et je pense notamment à l'ouvrage que Michelet publie au milieu du 19e siècle, Jules Michelet, donc qui est épris de culture romantique et qui va considérer, pas dans un travail d'historien puisqu'il n'exhume pas des archives, mais plutôt dans un essai, considérer que les sorcières sont des femmes victimes de l'Église en premier lieu, et puis par la suite la figure de la sorcière, eh bien, elle va être reprise et largement diffusée en même temps que se structure aussi des médias de masse et des médias de masse mondialisés avec le cinéma, avec la littérature, notamment en direction de la jeunesse. Après, Michelet, qui lui avait été fasciné par une sorcière belle, érotisée, éminemment séduisante, on a aussi la figure de la vieille sorcière, la sorcière de Blanche-Neige, la sorcière du magicien d'Oz avec sa verrue sur le nez, cette figure féminine hideuse et son rire sardonique qui s'en prend à d'autres et en particulier à une autre femme. Petit relent un petit peu antisémite quand même dans la physionomie aussi, mais bon, c'était inclus dans le pack de l'Inquisition aussi, qui visait aussi je sais qu'il y a des personnes juives qui étaient aussi les ennemis de la chrétienté sont mis en cause, et le fait qu'on utilise d'ailleurs le terme sabbat qui ressemble au terme du shabbat pour les juifs n'est pas étranger à tout ça. En tout cas, on est sur construction d'une altérité repoussoir qui peut prendre des traits différents et en particulier des traits féminins. On a par la suite, dans une postérité plus au XXe siècle, dans la culture de masse, donc soit des figures érotisées qui fascinent dans le cinéma, je pense notamment au cinéma dit de série B des années 50, où on va voir le masque du démon, des femmes possédées. Ah oui, c'est Mario Bava. Il y en a plein. On a des choses du côté de la bande dessinée, de l'heroic fantasy. On a des choses aussi du côté du cinéma jeunesse, de la littérature jeunesse, où là, soit c'est une figure poussoir, soit c'est une figure sympathique, en tout cas d'une femme atypique, vêtue de manière typique, avec une grande cape, un chapeau pointu, etc., qui parfois vole dans les airs. Figure aussi parfois présentée comme très gentille, naïve, positive, type le succès international, mondial et planétaire de Ma sorcière bien-aimée, par exemple, dans La France des 30 Glorieuses, mais qui est une production américaine. Mais elle avait renoncé à ses... Elle renonce à ses pouvoirs pour vivre une vie de famille avec un homme sans pouvoir, etc. Voilà, donc être à l'interstice entre deux mondes, quoi, hein, le monde de la magie et le monde des humains. Il y a quand même cette idée de se ranger et donc arrêter d'être plus être une sorcière. De ne plus être une menace. Pour rentrer dans le rang. De ne plus être une menace. Celles qui restent célibataires, sont soit des figures de fantasmes, de femmes qui échappent aux hommes, soit des figures en lady. Je pense aussi dans la culture jeunesse, dessin animé Merlin l'Enchanteur, Walt Disney 1963, avec Madame Mime, qui est donc l'archétype de la sorcière laide, hystérique, solitaire, qui a un rire sardonique et qui jouit vraiment du mal qu'elle qu'elle peut faire et qui est dotée de pouvoirs maléfiques par opposition à la fée, de la bonne fée, la fée gentille en quelque sorte. Et puis on a aussi des postérités militantes, politiques, qui vont, à la faveur du féminisme de la seconde vague, réinvestir la figure de la sorcière comme une figure positive, voire même comme une figure d'ancêtre de laquelle on peut se revendiquer. Ce n'était pas le cas pour les féministes de la première vague, mais parce que dans le féminisme de la première vague, on n'est pas dans la production d'une contre-culture. Dans le féminisme des années 1880-1930, on n'est pas du tout dans la production d'une contre-culture, qu'on pourrait appeler une forme de politico-ludique en quelque sorte. C'est quelque chose qui se fait jour à la faveur aussi du caractère parfois iconoclaste des années 68 et de la contestation des années 68. Mais donc, voilà, des groupes de féministes qui vont se référer aux sorcières, la revue Sorcière, fondée notamment par Xavier Gautier, le film expérimental Sorcière mes sœurs, par exemple, qui est produit aussi, réalisé par des femmes et qui pose cette question de l'autonomie des femmes sans hommes comme le cœur d'une réflexion politique. Et puis plus récemment, eh bien, une forme de retour en grâce de la figure de la sorcière comme une nouvelle icône du féminisme, marquée, je pense, aussi par la diffusion de la culture autour d'Harry Potter, qui remet au goût du jour ces personnages de sorciers et de sorcières autour de la magie, voilà, pour revisiter, se réapproprier une figure féminine, parfois de manière politique, parfois aussi de manière plus, comment dire, identitaire et culturelle, sans forcément connaître d'ailleurs l'histoire de la réalité de la chasse aux sorcières de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, mais en tout cas l'idée de réhabiliter des figures, enfin une figure féminine, pensez là pour le coup au singulier, une figure féminine de femme victime du pouvoir des hommes, victime du pouvoir qui s'est exprimé de manière terrible quand on voit le nombre de morts que cela a suscité, et de femmes qui ne pouvaient pas se défendre, puisque les procédures de l'époque de la chasse aux sorcières sont des procédures inquisitoires. Ah oui, on n'en sort pas, une fois qu'on est accusé, c'est fini. C'est très très compliqué, à tel point que la formule, l'expression chasse aux sorcières a été réutilisée, notamment par exemple aux États-Unis sous la période du McCarthyisme, pour désigner la traque des communistes par les autorités américaines, avec cette idée que les personnes mises en cause et suspectées de sympathie pour le bloc de l'Est et pour le régime soviétique, bien quoi qu'elles disent ou quoi qu'elles fassent, demeuraient présumées coupables, ces personnes. Donc il y a cette idée d'une culpabilité dont on ne peut pas se défaire, qui colle un petit peu comme du goudron, si vous voulez, aux personnes mises en cause. Donc encore aujourd'hui, d'ailleurs, l'expression chasse aux sorcières, qui n'existe qu'au féminin, on ne parle pas de chasse aux sorciers, eh bien c'est cette chasse aux sorcières désigne un mouvement qui stigmatise un groupe d'individus pour des faits réels ou supposés, mais qui vise en tout cas à leur faire la peau, en quelque sorte. Donc c'est une référence encore aujourd'hui qui est en circulation et toujours au féminin. Même si c'est pour parler d'hommes, et même dans des situations parfois discutables pour euphémiser, comme dans la vague MeToo, où il y a des hommes qui ont parlé de chasse aux sorcières, parce que, oh là là, les femmes qui commencent à parler d'agresseurs sexuels, elles vont toutes se liguer contre nous. Il y a un côté un petit peu ironique de reprendre cette expression-là pour parler que d'hommes. Et là aussi avec ce côté de grande persécution féminine, parce qu'elles en veulent, à l'ordre social, parce que c'est des hommes qui sont dérangés dans leur confort aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une permanence de cette référence à l'histoire, sans forcément connaître d'ailleurs cet épisode de l'histoire de l'Europe, une figure à laquelle des personnes s'identifient, féministes en particulier, c'est une figure aussi qui est déclinée, qui est devenue aussi un argument marketing, avec tout le marketing autour d'Halloween, tout le marketing aussi jeunesse, parce qu'il faut bien que l'industrie du jouet se renouvelle et que la figure de la princesse ou de la fée, elle a peut-être atteint un petit peu ses limites, et que pour renouveler ses parts de marché, eh bien, l'industrie du jouet diffuse des panoplies de sorcières, du maquillage de sorcières, enfin voilà. Ça, c'est la grande magie du capitalisme, ça ingurgite tout, ça régurgère tout, ça fait du divertissement de tout. Ça détourne quelque chose qui, au départ, appartient à l'histoire et à une réalité vécue par plusieurs dizaines de milliers de personnes, majoritairement des femmes, en Europe, pour le vider de sa substance historique, le vider aussi de sa portée politique, j'ai envie de dire. Il y a une dimension politique dans le cadre du conflit, par exemple, des conflits et des confrontations autour de la religion, mais pas seulement. La question du contrôle du corps, parce que, voilà, alors il y a des mise en cause d'empoisonnement du côté des sorcières de la fin du Moyen-Âge et de l'époque moderne, pour des affaires d'empoisonnement, pour des affaires d'avortement, pour ce genre de choses. En tout cas, l'idée qu'il y aurait une connaissance profane, c'est-à-dire non académique, non sanctionnée par le savoir officiel et médical en particulier, des plantes du corps, par exemple. Oui, j'allais y venir, qui est la figure de la sorcière qui a été reprise par les courants féministes récents, cette notion de reprise de pouvoir et de reprise de savoir, notamment sur les savoirs scientifiques, médicaux. Alors, il et faut la terre. Ouais, il faut faire attention aux anachronismes. Vraiment, il faut faire attention aux anachronismes et à une éventuelle sympathie a priori qui pourrait du coup biaiser un petit peu le regard et l'analyse. Il y a dans des cas de sorcellerie effectivement des femmes qui sont accusées qui ont par ailleurs une activité de sage-femme. Où il y a un rapport au corps, à l'intime, capacité procréatrice des femmes, mais c'est vraiment pas le cas de toutes. Donc c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas majoritaire. Donc je pense qu'il faut faire attention peut-être au regard rétro-projeté aujourd'hui sur ces figures pour en faire des martyrs. Françoise Daubonne avait publié un petit bouquin qui s'appelait Le sexocide des sorcières. On est là sur un discours qui est déformé par son militantisme féministe, très clairement, et une méconnaissance aussi des travaux d'histoire. Pas reprocher à Françoise Daubonne de ne pas être historienne, mais je pense qu'aujourd'hui il faut faire attention au fantasme qui peut exister autour de ces figures de sorcières qui du coup éclipsent les hommes poursuivis et exécutés pour sorcellerie et qui déforment la perception réelle, je pense, en tout cas de ce qu'était pour celles et ceux qui ont été confrontés, en particulier pour ceux qui ont jugé ces femmes. On peut pas calquer une rhétorique qui serait celle d'une guerre des sexes pour cet épisode de la chasse aux sorcières. Il y a une dimension misogyne, c'est évident. Et il faut faire attention aux généralités et à transformer les sorcières en martyrs néo-féministes en quelque sorte, ou proto-féministes malgré elles. Donc attention aux emballements, aussi aux effets de mode. Je comprends qu'il soit nécessaire d'avoir des figure d'identification, et on l'avait d'ailleurs dans le cadre du festival, hein, le sac qu'a édité Dangereuse Lectrice, c'était « Nous sommes les petites filles des sorcières que vous n'avez pas réussi à brûler ». C'est une formule féministe qui est forte et qui a une résonance, effectivement. Il ne faudrait pas que cette formule éclipse les connaissances historiques et qui invite à avoir une connaissance plus complexe et plus nuancée des choses, mais on le voit, il y a aussi un amusement à détourner cette figure qui faisait peur et à se l'approprier pour revendiquer une forme de menace, en quelque sorte, comme des groupes affinitaires féministes qui ont détourné les black blocs dans des manifestations, voilà, en witch block, donc en s'habillant en sorcière avec des slogans qui disent Macron au chaudron, par exemple, enfin qui font des références à l'univers de la sorcellerie. Pour aux États-Unis, elles ont lancé des sorts contre Trump. Voilà, il y a cette réappropriation de cette figure qui, je pense, peut-être un petit peu comme le chantaient les premières militantes du MLF dans leur hymne « Nous qui sommes sans passer des femmes, nous qui n'avons pas d'histoire », eh bien ces militantes ne connaissent pas toujours ou n'ont pas envie de connaître la complexité de l'histoire des sorcières, ou adhèrent peut-être à certaines lectures, et je pense notamment à la thèse de Silvia Federici qui n'est pas une historienne, qui est une économiste et qui défend l'idée que les sorcières auraient été des victimes du patriarcat, des hommes, ce qui n'est pas faux, et du capitalisme, ce qui me semble un tout petit peu erroné. Donc il faut faire attention aussi aux effets de mode politique intellectuelle et y réfléchir, lire et se documenter, notamment autour des travaux d'histoire qui peuvent se lire, qui peuvent s'écouter, qui peuvent se regarder, et qui permettent de dépassionner un petit peu les choses pour ne pas reproduire un petit peu à l'envers un engouement pour la sorcière comme la démonologie en a eu un pour lui faire la peau. Il faudrait essayer de faire un petit peu attention. D'accord, donc ce serait plutôt votre point de vue sur ce qui se passe actuellement et ce qui pourrait se passer par la suite sur la figure de la sorcière dans le féminisme, peut-être affiner certains discours et la connaissance de l'histoire. Oui. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir des figures auxquelles s'identifier et de détourner ce que Erwin Goffman appelle le retournement du stigmate, c'est-à-dire de retourner une figure vouée aux gémonies pour en faire une identité politique et positive, en tout cas revendiquer. Donc c'est un mécanisme classique et efficace et nécessaire aussi dans des étapes militantes. Je pense que c'est bien en parallèle de connaître l'histoire, d'avoir une connaissance complexe et critique aussi de l'histoire, mais pas de produire de nouveaux manuels de démonologie ou de nouveaux catéchismes dans lequel, après avoir été vouée aux gémonies, eh bien la sorcière serait vouée au nu. Je pense qu'il faut essayer de faire un petit peu attention. Et puis aussi avec tous ces effets de mode qu'on voit au-delà des espaces militants, surtout des récupération marketing et commerciale de cette figure de la sorcière, des kits de maquillage, de déguisements divers et variés. De pierres, d'herbes cultivées très loin, qui pillent les populations locales. Qui est aussi une manière de renvoyer les femmes à leur cuisine, hein, à s'occuper de chez elles, à faire leur petite popote, à s'occuper d'elles, de leur apparence. On commence à en parler en filigrane, mais avec le retour de la question de l'écoféminisme, quand même vachement lié à la figure de la sorcière. La journaliste Nora Boisouni qui a publié il y a pas très très longtemps un article sur Slate sur la critique de l'écoféminisme. Ça faisait quelque temps qu'elle en parlait un petit peu sur Twitter, et c'est des questions que je me posais aussi à titre personnel, en disant est-ce que en voulant faire une avancée écoféministe, écologique en général, retrouver du lien sur on a été dépossédés de nos savoirs et de nos terres, et effectivement, on se retrouve coincé chez soi à faire des tambouilles et acheter des choses, enfin surconsommer, enfin dans une espèce de truc complètement inverse. Et c'est ce qu'elle disait aussi. Elle n'est pas contre du tout hein, dans l'absolu, mais effectivement, c'est quelque chose où il y a vite des limites. C'est quelque chose qu'a soulevé, alors de manière très polémique, hein, Elisabeth Badinter aussi, il y a quelques années, avec son bouquin Le Conflit. Promouvoir toute une série de pratiques là, qui renvoient du coup à des logiques individuelles. Hein, la tyrannie des éco-gestes personnels chez soi, qui n'interroge pas globalement un système. Mais si c'est pour promouvoir le do-it-yourself, pour échapper à une société en partie, échapper en partie, en tout cas contourner en partie une société de consommation qui est une société qui détruit aussi notre écosystème, si c'est pour que ce ne soit que les femmes qui le prennent en charge, on peut quand même se poser des questions. Donc en fait, moi je ne pense pas que l'écoféminisme soit quelque chose de nuisible à la cause des femmes. Je pense que le problème c'est qu'il y a peu d'hommes, ou moins d'hommes que de femmes qui se sentent concernés par ces questions. Et on le sait à travers notamment des rapports d'économistes, c'est que les premières personnes qui sont concernées par la dégradation de l'écosystème, ce sont les femmes, parce que ce sont les femmes qui, à l'échelle de la planète, sont en première ligne sur la gestion vivrière, la gestion de la famille et de son approvisionnement en eau, en nourriture, en quotidien. Donc ce sont elles qui sont davantage exposées. Je comprends les critiques, je n'aime pas les visions manichéennes, donc je pense qu'en fait, plutôt que de mettre en cause l'écoféminisme ou certaines approches qui viserait à cultiver le faire soi-même, le faire chez soi, ça aussi invite à plutôt à interroger les hommes aussi, ça invite aussi à interroger le rapport à la société de consommation, le rapport au temps, c'est des questions qui doivent être posées, et je pense de manière collective et non pas comme des arrangements individuels, parce que si on est sur une logique d'arrangement individuel, on sort de la portée politique et critique du féminisme pour détruire le nous collectif que les féministes se sont acharnés à construire et qui bénéficie aujourd'hui, et tant mieux, d'une visibilité inédite. On est dans une séquence aujourd'hui où il y a une visibilité et sur les questions féministes et sur les questions environnementales qui n'existaient pas ne serait-ce qu'encore 15 ans. Et donc tant mieux s'il y a cette visibilité-là. Après, la question c'est qu'est-ce que les hommes et les femmes en font, qu'est-ce que les féministes en font, et comment les hommes se saisissent ou pas de cette question-là. Et je pense que si les hommes ne s'en saisissent pas, c'est aussi un révélateur des crispations et du refus de changer ses privilèges dont bénéficient beaucoup d'hommes sans nécessairement avoir cherché à en bénéficier, mais dont ils sont en tout cas bien contents, sans forcément en avoir conscience, mais qui bénéficient de ces privilèges de manière finalement assez confortable dans leur quotidien. Et même Greta Thunberg est aussi jugée sur son physique, sa vie privée, et le fameux tweet de Bernard Pivot qui a plus de 80 ans, qui se permet de parler de son corps et de la sexualité des adolescentes suédoises, puisqu'elle aussi en plus à l'intersection de plusieurs choses, femmes, jeunes, autistes. Ce qui est certain, c'est que les normes de genre ont la peau dure, et que le rappel des normes de genre, il pèse beaucoup sur les femmes, et qu'on le voit dans les archives judiciaires qui traitent les affaires de sorcellerie, on le voit dans les archives judiciaires qui traitent les affaires de pétroleuses, par exemple, ou des femmes tendues à la libération. On le voit aussi dans le cas des militantes des organisations révolutionnaires des années 68, et on le voit encore aujourd'hui. La féminité qui transgresse, en tout cas, des formes de féminité marginales, ou des femmes qui se situent en dehors des modèles valorisés, eh bien, s'exposent à toute une série de commentaires et d'opprobres, et en particulier sur leur apparence physique, sur leur moralité, sur leur sexualité. L'antiféminisme de ce point de vue-là a eu des effets dévastateurs, et on a toujours hein, la figure de la féministe, alors la caricature, un féministe hystérique, lesbienne, anti-homme, poilopathe, etc. Et ben, c'est une figure anti-féministe qui continue à être véhiculée et amalgamée, qui, y compris jusque dans la bouche de femmes, continue à s'exprimer à travers cette formule très classique « Je ne suis pas féministe, mais ». Oui, parce que je ne veux pas me placer en opposition face aux hommes, parce qu'il y a beaucoup de lesbophobie intériorisée, y compris chez les féministes. C'est pas pour rien qu'il y a eu des séparations entre les féministes hétéros et les féministes lesbiennes niveau militantisme, parce que vraiment ça marchait pas trop trop. Et oui, même en 2019, on entend toujours le fameux « je ne suis pas féministe, mais moi je vais m'épiler, puis je vais pas faire peur aux hommes ». Voilà, et cette figure anti-féministe de la féministe hystérique, lesbienne, poilopathe, anti-homme, etc., etc., sans enfant, bien elle résonne finalement quelque part avec la figure de la sorcière. Et je sais pas si vous avez fait le test, entre guillemets, parce que c'est toujours un peu malheureux, mais quand vous vous disputez avec quelqu'un, en particulier avec un homme, sur un sujet politique ou autre, si vous ramène systématiquement au fait que vous êtes une femme ou à votre corps, vous savez qu'en gros, il faut plus jamais lui parler. Mais c'est des choses qui arrivent très très vite. C'est toujours l'outil de décrédibilisation numéro un qui est très très ancré dans beaucoup de mentalités, encore maintenant. La domination masculine à la peau dure. Oui, très très dur. Et puis vu que c'est pratique. L'historienne que je suis balance entre l'optimisme et le pessimisme. La domination masculine à la peau très dure, mais la tolérance sociale aux inégalités, au patriarcat, etc., elle bouge. Oui, là c'est vrai qu'on est dans une période où les deux sont assez exacerbés, donc faut voir de quel côté la balance va s'ajuster au fil du temps. C'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis avec Trump d'un côté et des mouvements d'opposition de l'autre avec des discours complètement opposés. Enfin, je cite ça juste par exemple qui me passe par la tête, mais se dire qu'on a quand même un point de bascule et aussi des discours antiféministes extrêmement présents et aussi des discours féministes très très présents. Donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines années, j'imagine. Si tout le monde s'y met avec un peu de rigueur intellectuelle. La connaissance de l'histoire des femmes, et de l'histoire du féminisme, des féminismes et de l'antiféminisme, moi je pense que c'est une ressource intellectuelle, mais que c'est aussi pour les femmes, je pense que c'est aussi une ressource politique. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @Lucie_Inland et Instagram LucieInland en un mot, ainsi que Studio Dilettante sur Twitter @StuDilettante. À bientôt.